inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Un général. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! Want me to hide all my feelings? Travailler, travailler toujours plus pour gagner moins, tel est le slogan de ces années. Salariés, salariés de tout horizon, vous êtes juste des êtres humains jetables, précarité pour tous, telle est la vision de cette libération du travail. Libérez-vous, disait-il. Libérez-vous pour offrir plus de fric à des Bouygues, à des Bernard Arnault, à tous ces Charles Dassault. Libérez-vous car pour eux, nous ne pouvons pas vous embaucher, n'est-ce pas? Nous n'avons pas assez de fric pour assez, pas assez de fric, pas assez de Ferrari, pas assez de pavillons, pas assez de piscines, pas assez de costards. Nous payons, paraît-il, trop d'impôts et l'impôt est lourd pour nous. Il faudrait pleurer sur nos conditions de tous ces braves. Bienvenue donc dans ce monde du sourire et du cynisme et du costard à 50 000 euros, de cette génération Facebook qui est découverte, de ces Macron et tous ces braves qui font la chasse à ces salauds pauvres, à ces sans-papiers qui puent le bruit et l'odeur, à ces SDF qui ont le culot de vivre de la charité humaine, à tous ces bandes de pédales, de ces trans qui demandent toujours plus, il n'y a jamais assez pour ces bandes de pédales, à tous ces jeunes de banlieue, trop arabes pour être un être humain, pour être français. Bienvenue dans cet apartheid made in France où il faut toujours lutter et encore lutter et se battre, où la question de la solidarité et de l'humanité est au cœur aujourd'hui des revendications en 2017, c'est-à-dire quelque chose les plus élémentaires de nos vies. Vous êtes bien sûr sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Au fond près du radiateur. Donc ce soir, il y a Robinson à la technique et effectivement moi-même, et on salue tous ceux qui sont salut pas là. Salut à tous. Voilà, alors on est diffusé tous les mardis de 19h à 20h30. Bon, ça fait quelques semaines qu'on n'était pas présent sur les ondes, on voudrait vous excuser. Et la preuve, c'est toujours un pari de faire cette émission, parce qu'on est des bénévoles, parce qu'il arrive plein de choses, et parce que résister à ce système, c'est toujours un défi énorme. Voilà, et parce que le fait de faire du lien, le fait de faire du collectif, le fait de s'associer, eh bien, ce n'est pas toujours évident. Nous n'avons pas les thunes, nous n'avons pas les piscines, nous n'avons pas la coke qu'il faut pour faire du lien, puisque le défi est grand et nous, nous misons sur les luttes sociales. Voilà. Alors, nous sommes, paraît-il, rediffusés le vendredi matin. Nous avons un compte Facebook. Vous pouvez nous retrouver, au fond, près du radiateur. Et voilà. Alors, je voudrais donner un petit peu vite fait la parole à Robinson. Et puis après, on revient pour dire comment on va présenter l'émission. Oui, Déjà, tout à l'heure, Mouloud, tu disais que voilà, on n'était pas présent à la radio depuis 4 semaines. Et on ne vous excuse pas, mais on s'excuse. Hein, voilà. C'est mieux, quand voilà, même. C'est ça. Et donc voilà, on va faire une introduction, enfin une bonne partie. J'ai trouvé un bel article, on va en parler tout à l'heure sur qu'est-ce que prépare le gouvernement cet été. Donc, c'est-à-dire, ils vont préparer les ordonnances, ils ne vont pas les lancer cet été apparemment, mais ils vont les lancer au niveau de la rentrée. Et puis un autre point de vue assez intéressant, c'est-à-dire que ça ne va pas être aussi extrêmement négatif pour nous, salariés, prolétaires, ouvriers, etc. Mais également négatif pour les petites et moyennes entreprises. Donc on va en parler voilà, vers la fin de ce petit article. On va passer sur une petite musique et on revient. Et surtout, on va faire, un deuxième point qui sera sur la Gay Pride. Voilà. De retour au fond près du radiateur 106.3 FM tous les mardis soirs de 19h à 20h30 à toi Mouloud. Donc on va vous parler de la loi travail dans les faits, la deuxième, troisième tournure. Il faut quand même savoir historiquement que depuis pratiquement 30 ans, on essaye de casser tout ce qui est la protection sociale, le code du travail. C'est dans un cadre où, effectivement, on le voit bien, si on regarde sur 30 ans, la réduction des effectifs de salariés, les usines qui ferment, les plans sociaux, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, les salariés se retrouvent à se battre pour ne plus être licenciés comme des chiens. Donc ça, c'est un cadre, comment on est arrivé au point où on va voir avec Robinson, c'est quoi les points clés. On les a déjà, mais je pense que c'est bien de voir qu'au fond, ce projet-là est dans un cadre historique et où, effectivement, j'y ai quand même un point, Macron est le produit de François Hollande, de cette gauche libérale et aussi de cette droite libérale. Donc c'est une multitude d'accumulations, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est des bradages après bradages avec le fait qu'un chômage massif, voilà, c'est l'idée, si j'ai bien compris, Robinson, c'est pour, paraît-il, résoudre le problème du chômage, donc le code du travail, le vrai problème, voilà. Oui, tout à fait, Mouloud, et puis on va en parler. J'ai un article, justement, qui traite de la question de manière assez... intéressante et qui justement montre que également les entreprises vont au final s'autodétruire avec une nouvelle concurrence de plus qui va juste abaisser le niveau de tout le monde. On sera pas du tout compétitif beaucoup plus que l'Allemagne, que les pays de l'Est, etc. De toute façon, on sera jamais compétitif que les Chinois, etc., les Indiens, les Pakistanais. Enfin voilà, c'est par rapport à cette réforme du marché du travail, c'est sur larennenu.blogspot.is, un article qui s'appelle « Réforme du marché du travail, les entreprises aussi seront perdantes ». Ça a été écrit par David Kaila. Voilà, je vous le lis. Donc, Emmanuel Macron va-t-il réformer le marché du travail par ordonnance malgré une majorité écrasante à l'Assemblée ? Oui, probablement, car c'est son projet. David Kaila, économiste de plus en plus atterré, nous explique ci-dessous pourquoi. Si l'on sait que les salariés seront une fois de plus les grands perdants de la réforme, il se pourrait que les entreprises, notamment les TPE-PME, soient durement impactées, elles aussi. Il se pourrait aussi que le dialogue social en sorte, contrairement à ce qu'on nous dit et redit, en sorte durement affaibli. Fort d'une majorité pléthorique, le gouvernement En Marche devrait très vite s'atteler à la première des grandes réformes du quinquennat, celle du marché du travail. Les ordonnances sont-elles toujours d'actualité ? Rien dans le discours gouvernemental ne laisse présager que sa très large victoire législative l'amène à réviser sa méthode. Car la procédure par ordonnance permet d'empêcher le Parlement de déposer des amendements en ne lui laissant la possibilité que d'approuver ou de rejeter en bloc l'ensemble du projet, tel qu'il aura été conçu durant l'été. C'est un double avantage pour le président. D'une part, cela accélère et simplifie la procédure. D'autre part, cela interdit toute dénaturation parlementaire du projet gouvernemental. C'est une méthode autoritaire. Il faut dire que lorsqu'il était conseiller à l'Élysée, Emmanuel Macron a pu mesurer la difficulté pour un gouvernement de faire passer ce genre de texte. Moins d'un an après son élection, la majorité socialiste s'était alors déchirée pour transposer dans la loi d'accord national interprofessionnel signée en janvier 2013 entre les organisations patronales et trois organisations syndicales, CFTT, CFECGC, CFTC. La question des accords compétitivité-emploi avait entraîné une bataille de tranchées entre les députés socialistes dont certains furent affublés du sobriquet de frondeurs. L'un d'entre eux, notamment Jérôme Guedj, raconta par la suite dans Mediapart comment la bataille d'amendements avait fini par faire de l'ANI, que l'ANI soit plus fort tout à fait que l'ANI. Enfin voilà, ça nous montre un petit peu que... moi, j'ai envie simplement d'aller plus vite par rapport à ce qu'il en est au PME-TPE. Ce que disait l'article qui est assez intéressant, c'est que, en prenant un exemple très simple, entre deux entreprises, deux petites entreprises... par exemple, des boulangers, deux entreprises qui ne travaillent pas le dimanche. Mais il y en a une qui va pouvoir justement, ce qui va être dans la loi, c'est que les accords de branche ne seront plus dominants sur les accords dans les entreprises. Ils pourront créer des accords dans n'importe quelle entreprise qui, eux, seront, voilà, qui pourront outrepasser ce qu'il y a dans les accords de branche, dans l'hôtellerie-restauration, ça peut être dans le bâtiment... Ça peut être dans n'importe quoi, dans le journalisme, etc., etc. Et donc là, il y avait deux exemples très intéressants. Le boulanger, voilà, il va vouloir, pour avoir gagné des clients, il va vouloir ouvrir sa boutique le dimanche. Donc, il va faire un référendum dans sa petite boulangerie pour pouvoir ouvrir le dimanche. Évidemment, il va avoir une pression beaucoup plus importante sur ses salariés, puisqu'il les a à son contact tous les jours, plutôt que voilà, hein, entre les syndicats, CFE, CGC, le CHSCT, etc. Du coup, il va pouvoir ouvrir le dimanche. Son concurrent de la rue d'à côté, lui aussi, il va faire pareil, il va pouvoir ouvrir le dimanche. Du coup, qui est le gagnant dans cette histoire ? Ben, personne, parce que leur coût de fonctionnement, il va augmenter puisqu'ils vont devoir ouvrir sur 7 jours, etc. etc. Donc, les salariés vont travailler un jour de plus. Les boulangers, par exemple, ils ne vont pas faire beaucoup plus de chiffre d'affaires puisqu'ils seront en concurrence à nouveau. Enfin voilà, c'était un petit exemple comme ça. Mouloud, si tu as envie d'ajouter quelque chose, c'est une petite introduction à ça, quoi. Bah, c'est vrai que si on regarde sur ce plan-là, pour dire simplement, une entreprise qui a un patron soi-disant gentil, dès qu'elle aura un problème de fonds, elle se retrouve à la banque et la banque lui dira « Mais pourquoi vous n'avez pas fait... augmenter le nombre de salaires, augmenter le nombre d'heures de travail sans être payé plus. Pourquoi vous n'avez pas fait toutes ces modifications qui fait qu'on baisse le coût du travail et qu'on exploite encore plus le salarié ? C'est-à-dire que dans chaque lieu, chaque entreprise, ça va être la guerre ouverte. C'est-à-dire que la réforme du code du travail, ça veut dire une guerre ouverte entre entreprises. C'est à celui qui pourra casser le plus vite, le plus fortement la protection sociale et qui pourra faire travailler encore plus longtemps, sans aucun droit, des salariés. Ça s'appelle la guerre. Voilà, commerciale, non plus là entre pays, France, Chine, je ne sais plus trop quoi, mais carrément entre boulangerie contre une boulangerie. Et c'est ça l'une des conséquences aussi. C'est-à-dire que tout le volet, c'est de dire que la protection sociale est aujourd'hui une entrave au travail, au bénéfice des entreprises. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait historiquement dans la lutte sociale, qui est quand même des apports importants pour les salariés, le code du travail, la rémunération, le temps passé dans l'entreprise, on est aux 35 heures, etc., etc., pourra être négocié par entreprise, par un référendum, tout le temps, à tout moment, et en dépassant effectivement les syndicats, puisque là, il n'y aura plus besoin de syndicats, un minimum, pour accompagner ce référendum, puisque là, aujourd'hui, c'est le nouveau volet, l'entreprise, l'employeur, pourra immédiatement faire un espèce de soi-disant référendum en disant, en convoquant les 5, 10 salariés, ou même les 100 ou les 200, vous voulez ça ou pas ? Moi, je ferme l'entreprise, si je n'ai pas une augmentation du nombre de travail, etc., etc. Donc c'est une atteinte au temps de travail, c'est une atteinte donc aux 35 heures, c'est une atteinte à la protection sociale, c'est une atteinte aux conditions de travail, c'est une atteinte aussi le truc au contrat de travail, puisque là, on peut effectivement licencier comme on veut. Hein. Il y aura des modalités, mais elles seront remises au goût du jour d'après l'entreprise. Tout ce qui est accord de branche n'existeront plus. L'accord de branche est intéressant dans le sens où le salarié n'est plus en face à face avec l'employeur. Et donc la branche, si on est dans une grande entreprise, on peut négocier mieux. Là, c'est fini. Donc les atouts de la branche diminuent ou disparaissent. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un affrontement direct de classe entre un patron et ses salariés. Et tout est discutable. Et par exemple, le premier point de ce point-là, c'est les indemnités prud'homales. C'est-à-dire que là, il faut plafonner, renforcer la prévisibilité. C'est-à-dire que, je veux licencier des gens, mais alors il ne faut pas qu'ils me réclament de l'argent, quoi, grosso modo, même si je fais des grâces. Donc, si demain je sais que pour licencier quelqu'un, je risque au maximum 5000 euros, je m'en bats les steaks, je le fais. Donc il y a un plafonnement et on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Deux, c'est le licenciement économique dans une entreprise qui est factuel. Voilà, on va dire je réduis le nombre de ma surface de mes bureaux. Et puis j'ai trouvé que le monsieur, là, il me fait vraiment chier, le comptable, là, franchement. Donc je dis que j'ai réduit le nombre de bureaux. Et là, je vais dire j'ai réduit mon activité et je vais pouvoir le licencier. Donc le licenciement économique est très variable, très fluctuant. Voilà, il y a effectivement le temps de travail qu'on va remettre en question, puisqu'on est aux 35 heures, ben on va faire un référendum pour faire 40 heures, payer moins, payer plus. Les contrats de travail de plus en plus souples, la réduction du délai. Ah oui, parce que normalement, quand vous êtes licencié, vous avez la possibilité de faire appel au prud'homme et c'est jusqu'à un an. Eh bien aujourd'hui, si la loi, encore une fois, est votée, eh bien ce ne sera pas un an, ce sera un mois. Vous avez un mois pour dire « Ah là, il m'est arrivé une grosse galère et là, ce n'est pas possible. » Donc là, vraiment, ça montre cet enchaînement de tous ces points, démontre qu'effectivement, la libération du travail, déjà on a le mot « libération du travail », c'est le cadre du MEDEF, du start-up, on fait ce qu'on veut. Tout ce qui a existé auparavant est quelque chose d'ancien, c'est pour ça qu'on parle d'un nouveau monde, le nouveau monde qui a plus à voir avec le 19e siècle. On travaille le samedi, le dimanche, il n'y a plus de jours de repos, on est adaptable, corvéable. Tout ça doit, à la base, disparaître. Et ça, c'est le cursus, et c'est un cursus qui a à voir avec les idéaux les plus ultra-libérales. Par exemple, Pinochet l'avait fait au Chili en 79 avec le coup d'État, etc., où il avait massacré les syndicats. Et bien là, ce mec qui se présente devant nous nous dit simplement « Le Parlement ne sert à rien. Je suis élu avec 11% des voix, si vous regardez le taux d'abstention, etc. » Et malgré ça, que j'ai une assemblée pléthorique, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a 300, 400 députés qui sont tous des chefs d'entreprise, visiblement, eh bien, je vais faire une loi qui ne passera pas par le Parlement, où je m'entretiens avec le Premier ministre et le ministre du Travail, j'écris et je ponds ce que souhaite le grand patronat sur des volets très précis. Pour faire la guerre aux salariés et pour que les entreprises font un maximum de thunes. C'est ça la loi travail aujourd'hui. Ça n'a rien de moderne. Ça s'appelle la lutte des classes. Mais une des classes qui est d'une violence assez importante à nos yeux. C'est pour ceci qu'on y résiste. Et c'est aussi la guerre de classe entre salariés et l'entreprise, mais aussi entre multinationales, Renault, Peugeot, Citroën, TF1 et les petits boulangers. Parce qu'on ne vit pas dans les mêmes mondes. Et effectivement, ces petites entreprises vont être condamnées à faire tout pour s'accrocher à ces quelques bénéfices et donc à accélérer même ce processus-là de déstructuration sociale, puisqu'il faudra toujours payer pour les petites entreprises des impôts, eh bien, il faudra accélérer ce mouvement de réduction des coûts. Et la seule réduction possible, c'est effectivement par réduire le salaire, augmenter le nombre d'heures de travail. Ça s'appelle la plus-value, ça s'appelle Karl Marx, ça s'appelle le capital, ça s'appelle... bienvenue dans ce monde capitaliste. Donc, d'un nouveau monde émerge un ancien monde plus brutal. Cet ancien monde a à voir avec le fait que dans cette négociation entre un patron et un salarié, eh bien, s'il n'y a pas la résistance salariale, ça s'appelle la lutte des classes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait grève, eh bien, on perd tout. Et c'est d'où la nécessité d'un syndicat, de partis ouvriers, pour que cette négociation, un minimum, soit humaine et qui permette que les salariés ne se fassent pas massacrer. Voilà, c'est un peu l'explication de base de Karl Marx. Voilà, des trucs extrêmement... Parce que ce gouvernement, lui, il est parfaitement conscient que la lutte des classes, elle existe. C'est pour ceci qu'il fait par ordonnance, rapidement. François Fillon avait utilisé le mot Brexit, c'est-à-dire une guerre éclair en plein mois d'août, quand tout le monde n'est pas là, c'est-à-dire en vacances, on vous pond les ordonnances, on devance les grèves, on devance les manifestations, on devance la contestation sociale, et si vous n'êtes pas d'accord, en septembre, on vous envoie les CRS et les flics. C'est cette stratégie-là, elle a été expliquée clairement en novembre 2016 dans un grand hôtel parisien par François Fillon. Ce que reprend aujourd'hui M. Macron, c'est pratiquement le même programme que François Fillon. Cette explication, elle est carrément sur les ondes, sur Facebook. Si vous tapez sur le syndicat solidaire, vous avez une vidéo où vous mettez François Fillon, Bill Script. Il utilise le terme Bill Script. Donc c'est un hôtel 5 étoiles, hôtel très chic, avec que des patrons. Et il fait tout un discours sur ce qu'il faut faire rapidement. Voilà sur quoi doit s'attaquer le plus rapidement possible. On doit faire que les syndicats, que la classe ouvrière, que les salariés, ces mots, notamment la CGT, ne contestent pas la loi. Donc il faut aller très vite utiliser l'ordonnance. D'où l'ordonnance. Hein, on pond la loi en un mois et c'est terminé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Au-delà de la violence, de la remise en question des décrets, etc., sur les 35 heures, remise en question de tout ça, c'est aussi la violence par rapport à la rapidité. C'est du jour au lendemain, c'est-à-dire vous partez en vacances, le lendemain, vous revenez, et déjà votre patron vous dit, écoutez, vous êtes inutile, vous. Au revoir. C'est pas possible. Vous faites pas l'affaire. Vous faites pas assez d'heures. Donc faites quelque chose, quoi. Soyez dynamique. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment le salarié va devoir et va pouvoir se défendre. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est que du jour au lendemain, ce soi-disant nouveau monde dit que vous avez 10 fois ou 100 fois moins de possibilités de vous défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Les 35 heures, c'est pour vous défendre. Les trucs prud'homales, c'est pour vous défendre. Parce qu'il n'y a pas d'égalité entre un rapport entre un patron et un salarié. C'est le béaba de la chose. Donc c'est la loi du plus fort et du talion appliquée en un mois. Et c'est pour évidemment éviter toutes les luttes qui ont eu lieu dernièrement pendant un an, la loi M. Khomri, etc., etc. On va reprendre une petite pause musicale et puis je vais reprendre ce petit article pour bien conclure sur ce dont tu as parlé. Ok ? Allez, c'est parti. Méro, la mémoire courte comme la vie, je te le jure, je suis choqué. Dans des chaînes au cou, nos ancêtres, ils les avaient au pied. Pour après les mêmes choses, une belle caisse, une belle femme, de belles sables, la doutnia dans la tête, on sera maître ou esclave. Affranchi ou soumis depuis des années, années. Est-ce qu'on est damné, damné? Chaîne de fer au poignet, poignet. T'es esclave, si les médias pensent à ta place, veulent faire passer pour une nonne. Katsuni, tabat, ta cache, confond les victimes et les prêtres. Les sentiments, les sorties de maître. Je suis qu'un homme sans idole, le tout puissant est mon maître. Ici, être ou ne pas être, l'oseille fait tourner la tête. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent reste un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je rappe de toute chose, mais je reste insoumis capiche. Compris, tant que l'enfant du pauvre bouffe moins bien que le chien du riche. Tout ce que je dis sort de mon iris, mon seum ressort que dans mes dix. Les plaies des fouets des colons cicatrisent, mais jamais ne guérissent. Hein. La beauté et la jeunesse ne sont que temporaires. Passe de mannequin retraité selon le fuseau horaire. Es-tu soumis au mythobi, ornotobi? As-tu gardé de l'autonomie? Es-tu maître de tous tes hobbies? Y'a ceux qui bougent, ceux qui se plaignent. Y'a les hommes forts, les maillons faibles. Molo polo. Ceux qui bougent, ceux qui se plaignent. Immobile, on ne sent pas nos chaînes. Tobi, ornot. Tobi, molo polo. Vous êtes toujours dans l'émission au fond, près du radiateur, 106.3 FM, radio fréquence Paris Pluriel, diffusée tous les mardis normalement, de 19h à 20h30. Voilà, et paraît-il qu'on nous écoute toujours autant. Voilà, et rediffusée le vendredi. De 19h à 20h30, voilà. Et on salue aussi tous ceux qui ne sont pas là, tous les collègues, voilà. Et on salue effectivement à la technique Robinson. Donc, nous étions notamment sur la question de la loi travail, il faudrait dire la loi du cassage de ce qui reste des protections sociales, voilà, et notamment du code du travail qui, paraît-il, pèse trop lourd sur le dos de ces entreprises et d'abord des grands patrons, parce qu'ils pensent qu'en ayant plus de droits, on va embaucher tout le monde. C'est sûr, il est toujours possible de faire travailler des gens avec un bol de riz. Voilà, c'est un peu l'objectif, hein, pour être concurrent, et ce serait ça, certainement, j'imagine. Donc ça dit quelque chose, en tout cas, de leur objectif à affirmer. Et alors là, elle est carrément, c'est plus affirmé, c'est l'avenir, hein, indépassable, hein, c'est le Dallas à la française avec ce personnage qui s'appelle, je crois, Emmanuel Macron, hein. La nouveauté, c'est de sourire, voilà. Donc Romasso, tu voulais dire quelques mots? Oui, je voulais continuer ce petit article de tout à l'heure, Mouloud. Par rapport à ce qu'a envie de faire notre cher président de la République. Donc oui, il y a tout lieu de penser que, voilà, quelle que soit l'étendue et la docilité supposée de sa majorité, Emmanuel Macron réformera bien le droit du travail par ordonnance. Sur le fond, le gouvernement prétend que rien n'est acté et que tout dépendra des discussions et des rencontres qui se tiendront au cours de l'été avec les syndicats et le patronat. Mais le fait même de parler de concertation et non de négociation signifie bien que le gouvernement ne s'engage pas à déboucher sur un accord. On peut donc légitimement penser qu'il sait parfaitement ce qu'il veut imposer comme réforme, comme tu disais, et que l'objet des discussions estivales n'est pas de permettre aux partenaires sociaux de co-construire la loi, mais de trouver jusqu'où le gouvernement pourra aller dans la libéralisation. Les discussions serviront à tester les limites de l'acceptable afin, espère-t-il, de désamorcer le pouvoir de nuisance des organisations syndicales. En somme, le choix de la procédure et la manière dont le gouvernement entend mener les discussions témoignent d'une logique bien plus autoritaire que ce qui est affiché. Déplacer vers l'entreprise le champ de la négociation sociale. Voilà. Voilà. Mais à force d'habileté tactique, Emmanuel Macron risque d'oublier de se poser d'autres questions pourtant bien plus fondamentales. Et en premier lieu, de se demander si la réforme qu'il envisage est vraiment nécessaire et souhaitable pour les entreprises. La philosophie du projet est relativement claire. Il s'agit d'élargir la capacité des employeurs à négocier des accords d'entreprise en allégeant les contraintes qui les encadrent aujourd'hui strictement. Parmi les pistes envisagées, les caractéristiques du CDI pourraient être négociées au niveau de l'entreprise en prévoyant par exemple des conditions de licenciement plus larges que celles qui existent. L'employeur pourrait également, par accord d'entreprise, suspendre certaines dispositions et des contrats de travail existants sans avoir à passer par un avenant, c'est-à-dire sans l'accord formel des salariés concernés. Un refus de leur part permettrait ainsi à l'entreprise de procéder à un licenciement automatiquement justifié. Par ces dispositifs, l'accord d'entreprise pourrait imposer ses normes au contrat de travail, ce qui signifierait qu'une grande partie du pouvoir de négociation serait transférée de l'individu vers l'entreprise. Un autre volet de la réforme concerne l'inversion de la hiérarchie entre les négociations de branche et les négociations d'entreprise. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, des rémunérations et des conditions de travail minimales sont négociées au niveau de la branche, c'est-à-dire entre les représentants des salariés et des employeurs d'un même secteur. Ces négociations sont essentielles pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elles simplifient les négociations d'entreprise, notamment pour les très petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas forcément de représentants syndicaux pour nouer des accords d'entreprise. Pour ces dernières, la branche prend à sa charge le poids des négociations, parfois complexes, sur lesquelles salariés et employeurs doivent s'entendre. L'autre rôle des accords de branche est de suspendre la rivalité entre des entreprises en concurrence en leur permettant de s'entendre sur des normes sociales communes. Donc le gouvernement prétend qu'en privilégiant l'accord d'entreprise sur le contrat d'une part et sur la branche d'autre part, il ouvre le champ de la négociation entre employeur et employé. Mais c'est exactement le contraire qui risque de se produire. À quoi bon négocier un accord de branche si une entreprise du secteur peut à tout moment y déroger ? Comment faire confiance à un employeur au moment de négocier son contrat, surtout un CDI, si à tout moment certaines dispositions de ce contrat peuvent être suspendues ? Au lieu d'étendre le champ de la négociation, on le déplace, mais on ne le déplace pas n'importe où. On le met précisément là où l'employeur se trouve en situation de force, c'est-à-dire dans l'entreprise. Or, remplacer un système où la plupart des relations employeur-employés se négocient collectivement dans le cadre des branches professionnelles par un système où l'essentiel des négociations se trouve relégué au niveau des entreprises est particulièrement inefficace. D'une part, cela oblige toutes les entreprises à négocier des accords complexes, là où auparavant elles pouvaient mandater des représentants aguerris et le faire au niveau de la branche. D'autre part, c'est la porte ouverte à des stratégies de dumping qui risque de favoriser les entreprises qui parviendront le mieux à s'affranchir des normes des branches. Donc imaginons par exemple que la loi permette à chaque entreprise de négocier librement ses horaires et ses dates d'ouverture. C'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure, je reviens dessus parce que deux commerces concurrents s'affrontent pour une clientèle précise. L'un des deux, a priori celui qui va le moins bien, négocie avec ses salariés la possibilité d'ouvrir tous les dimanches afin de capter une partie de la clientèle de l'autre magasin. La stratégie fonctionne, il gagne quelques clients que perd son concurrent. Ce dernier est alors contraint lui aussi d'ouvrir les dimanches et récupère la clientèle perdue. Au final, aucun magasin ne gagne quoi que ce soit dans l'affaire. Au contraire, en ouvrant davantage de journées, ils augmentent tous les deux leurs frais de fonctionnement sans augmenter globalement leur chiffre d'affaires. Les deux entreprises sont donc perdantes. Et si la branche professionnelle avait pu imposer une norme claire sur les dates et les horaires, ce qu'il y a actuellement, sur les dates et les horaires d'ouverture, cela aurait permis d'éviter que les entreprises s'enferment elles-mêmes dans une concurrence destructive. Alors, avant de continuer là-dessus, on peut, Molo, je te donne la parole, et on peut en profiter pour dire que évidemment, il y a une opposition qui se crée. Il y a des événements, notamment réalisés par le Front Social, un collectif. D'associations, de syndicats et de personnes sans étiquette qui réalisent des événements, des manifestations, et qu'il y en aura évidemment à la rentrée. C'est un exemple d'une partie de l'opposition et d'une partie de la convergence des luttes qui se prépare face à ces possibles lois, enfin, nouvelles lois autoritaires, quoi. À toi, Mouloud. Ouais, bah. Je crois que tu as bien résumé tous les points clés, c'est très clair. Je crois que la question, c'est comment lutter par rapport à cette rapidité. En tout cas, il est très difficilement envisageable, puisque dès la rentrée, dès septembre, ils veulent faire passer ça le plus rapidement possible. Donc la question, c'est au minimum de faire retarder ça, de se mobiliser, et on sera dans une situation où on va se battre contre les conséquences d'une loi votée en amont. C'est ça la situation au mieux, et c'est là où il faut agir. En tout cas, il y a eu déjà toute une série de mobilisations qu'il faut noter. Elles sont peut-être fragiles, mais elle est liée aussi au contexte de rapidité d'un gouvernement qui est élu massivement par 11%, mais qui est, paraît-il, légitime. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un déni de base de soi-disant démocratie, avec un taux d'abstention gigantesque, jamais atteint sous, paraît-il, la 5e République. Même si on n'aime pas toutes ces histoires de vote, il faut noter qu'il y a plus de 60% de personnes qui n'ont pas été votées. Donc c'est un gouvernement qui ne repose sur rien. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que des luttes sociales arrivent directement dans les entreprises, parce que c'est là où la loi va être ou pas négociée ou remise en question. Donc ça va être secteur par secteur, et notamment dans les grandes entreprises où les salariés vont devoir se battre pour et contre la remise en question directe de l'entreprise. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, hein, quoi. Concrètement, à Renault, à Peugeot, etc., quand ils vont venir avec leur projet, c'est soit la grève, soit on capitule totalement, quoi. Et c'est ça qui va au mieux se passer. Et en tout cas, c'est sur ça que nous considérons que c'est important de faire, quoi. Parce qu'effectivement, le Parlement ne représente plus rien. De manière, les ordonnances, c'est un coup d'État dans l'État. C'est un peu comme Donald Trump quand il balance un truc sur Facebook. C'est ça, c'est la rapidité, etc. Donc le réel signifie qu'il faudra... c'est pour ça que c'est intéressant de suivre tous ces mouvements, manifestations, luttes, et voir avec ces personnes qu'est-ce qui est dit directement sur le terrain pour faire quelque chose, quoi. Minimum, la grève, etc. C'est sur ça que... qu'on peut se baser et pas du tout devenir... On n'a jamais considéré que le Parlement était un lieu où il se passait des choses très intéressantes, mais bien dans ces grèves. Ce qui a fait qu'on a diminué l'effet de la loi M. Khomri, c'est effectivement dans les grèves, dans les nuits debout, dans tous ces mouvements de mobilisation. Et c'est sur ça qu'on doit pouvoir miser, quoi. C'est ça. Il faut occuper l'espace, occuper la rue, occuper les lieux. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Le gouvernement oblige, par définition, on est collé. Soit tu fais quelque chose, soit tu baisses totalement les bras. Donc, on est vraiment dans une situation où, comme des salariés face à une entreprise qui licencie, on doit se battre contre ces licenciements. Et ça, il s'agit non pas d'une boîte, mais d'un code du travail, quoi. Et de tous les trucs qu'on a à lutter, il faut lutter contre tout ça. C'est énorme comme enjeu. C'est pour ça que on peut saluer ces quelques rassemblements, mais il faut en continuer on sera là. Voilà. Et autre chose, ça pose la question de ce que ça veut dire aujourd'hui pour tous ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui sont au chômage, comment ils vont se retrouver encore moins de droits. Parce que si on casse le droit de ceux qui sont soi-disant privilégiés, c'est-à-dire qu'ils ont un petit travail, ça veut dire que les conséquences pour tous ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, vont être catastrophiques, puisque demain, on va imposer je ne sais pas quel petit boulot de merde, et comme ça, on pourra dire il n'y a plus de chômeurs, quoi. Parce que c'est aussi les conséquences. C'est compartimentalité, excusez-moi, ce sont des conséquences aussi. Si on attaque, soi-disant, le front social, pour tous ceux qui ne peuvent pas faire grève, etc., recevoir encore plus d'attaques, quoi. Et c'est ça, c'est toujours la même logique, quoi. Voilà. Donc, je crois qu'on pourrait passer par une pause musicale et on revient. Pour le gouffre, on est tous étrangers, mélangés, des êtres aimants et des anges. On est tous dérangés, démangés d'être traités dans cette vie franche. Je suis dégoûté, j'en ai tellement fait, j'ai goûté des véhémences. Mais je vais te prouver qu'on aime vraiment faire écouter nos préférences. On est tous étrangers, mélangés, des êtres aimants et des anges. Dérangés, démangés d'être traités dans cette vie franche. Je suis dégoûté, j'en ai tellement fait, j'ai goûté des véhémences. Mais je vais te prouver qu'on aime vraiment faire écouter nos préférences. Et ça fait 1 pour la MIFA, 2 pour le rap, 3 pour le bout de hache qui me tient toute la nuit, 4 pour les petites tasses à court d'estime, je lâche. Pour mes dicks, ça j'ai pas trouvé le 6. Ça se tape pour des liasses. Partout les flics passent parce qu'on est vif. L'asphalte, on maîtrise. Théma, moi je n'ai pas ta sale démarche d'amateur. J'ai la foi, je ne m'égare pas. Moi c'est Marshall Mathers. En version parisienne, je passe le message à ma sœur. Hélas, mes phases ne reflètent pas ma valeur. J'efface les traçages, j'ai pas d'espace là. Mec, passe les massas. C'est ça les bails. J'aime pas ces salades, ces cases, ces parois. Étroites, ces arnaques. Mais ça c'est le rap. Quand mes potes raquettaient, je disais arrête, ça se fait happe. Dans le métro y'a les decks, si t'es taré cache cette faille, merde. L'état fait mal mec, j'ai pas fait de fac. Mais j'écrase les wacks dans un état très grave. J'fume ma taf, tu peux me trouver dans un pull à capuche. Je me soulève et la lune m'acclame, gars. Clame pas car cette lutte m'accape, tu yeah. J'fume ma taf, tu peux me trouver dans un pull à capuche. Je me soulève et la lune m'acclame, gars. Clame pas car cette lutte m'accape, tu hey. On est tous étrangers.

C'est une rediffusion à 19h20, 7h, 8h30, excusez-moi, pour ceux qui se lèvent le matin. Voilà. C'est une émission en collaboration. Et là, aujourd'hui, c'est à la technique Robinson. Voilà, et on est une équipe de 5, 6, ça varie. Et en tout cas, c'est toujours un pari, en tout cas, de faire cette émission. Et on salue tous ceux qui ne sont pas là. Voilà, et on les embrasse bien fort. Alors, le deuxième sujet qu'on a souhaité aborder, c'est évidemment tout ce qui est autour de la Gay Pride. Pourquoi pas ? Parce que c'était, paraît-il, les 40 ans. Alors, il y a plein d'adjectifs LGBT, trans, voilà. Et le mot d'ordre était pour la PMA, notamment. L'inter-LGBT est, paraît-il, contrôlé par une trans du Parti Socialiste. Donc, ça dit quelque chose aussi, réduisant peut-être, et pourquoi pas, et surtout pas, en tout cas, sur des questions de droit, voilà, et notamment sur la PMA, protection médicalement assistée pour avoir un enfant. Donc, on voulait aborder ça sur deux volets. Un petit point quand même, 40 ans, c'est quoi ? D'où venaient peut-être ces marches ? Parce qu'effectivement, là, quand on voit aujourd'hui le truc, ça fait un peu, comment dirais-je, très commercial, très soft d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'alcool. Si ceux qui se sont baladés ont vu des choses très soft, un peu les JMJ version inter-LGBT, très peu de chars de collectifs voilà, de partis politiques ou de personnes. On salue au passage l'Ardis avec ce collectif de Black sans papier homosexuels qui se sont affirmés. Et voilà, très bientôt, j'espère pouvoir qu'ils viennent ici parler aussi de la situation. D'autres petits collectifs très fragiles. Parce que voilà, être minorité dans la minorité, ce n'est pas évident. Maintenant, voilà, c'est l'une des choses aussi qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toute une série de chars qui s'appellent En Marche, des grandes entreprises comme Google qui est présente, le FLAG, voilà, le syndicat des policiers homosexuels, voilà, une présence policière. Voilà quelque chose qui est un peu enfermant puisque on est obsédé par un attentat qui pourrait avoir lieu. C'est vrai qu'à juste titre, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a de quoi se questionner, de savoir que telle ou telle communauté peut être visée, non pas par je ne sais trop quel mal qui viennent de je ne sais pas où, mais d'attentats réels. Maintenant, c'est très pesant, c'est très dépolitisé, c'est aussi très soft, très propre. C'est vrai qu'il y a 20 ans ou 15 ans, les petits commerçants étaient présents, toute une série d'autres collectifs d'homosexuels étaient présents, ce n'était pas très beau à voir. L'image était beaucoup plus trash, avec des hommes à poil, avec de l'alcool à gogo, etc. Là, on est dans quelque chose qui, effectivement, paraît très soft. Alors, je souligne le fait qu'il y avait une Pride du soir qui disait « moins de Macron et plus de révolution », qui dénonçait, effectivement, la présence des policiers. Voilà. Des gens qui voulaient parler aussi de révolution, de minorité dans la minorité, des gens qui voulaient parler des questions sociales. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui comptent. C'est vrai que il y a quelques années, deux ans je crois, la manifestation contre le mariage pour tous s'est transformée en une mobilisation de l'Église catholique intégriste, comme dirait François Fillon, de la France des châteaux et des églises, avec derrière le Front National. Et une des choses que notaient certains leaders, comme des gens comme Didier Lestrade, c'est que les homosexuels et plus largement les minorités sexuelles ont totalement perdu cette bataille, puisque les seules personnes qui avaient le droit de parler et de justifier leur délire, c'était eh bien, les catholiques intégristes. Et cette manifestation, au-delà de... aussi en pointant du doigt les minorités sexuelles, pointait du doigt derrière les minorités raciales, et notamment les jeunes de banlieue. Ces manifestations, qu'on en veuille ou pas, contre le droit au mariage pour tous, c'est-à-dire contre les homosexuels, c'était aussi la France bleu, blanc, rouge, la France raciste, catholique, intégristes. Je crois que c'est important de le rappeler. Ceux et celles qui, historiquement, en tout cas en France et dans l'Europe, cathos, ont été en avant-première pour ne jamais avoir de droits élémentaires, c'est-à-dire de vivre, sont être mis au ban, bannis par la société. C'est l'Église catholique et la droite ultra-conservatrice et les fascistes. Donc c'est important de le rappeler parce qu'on fait toujours des procès d'intention contre une série de jeunes prolos ou pas d'ailleurs, rebeux. Ben, ceux qui ont appelé au meurtre des homosexuels officiellement, c'est Madame Christine Boutin et tous ces autres-là. Et ils sont toujours respectables, respectabilisés, et ils peuvent manifester. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui SOS Homophobie parle de 20% d'actes homophobes qui est en augmentation. Pour ce qui est des trans, plus de 70%. Donc ce sont des choses réelles. Le racisme, quel que soit l'imaginaire et les délires plus ou moins respectabilisés, ce sont des choses qui atteignent le psyché, le corps et l'environnement d'une personne, que sur des chaînes de télévision très chic, que je nommerai pas, le mec sort des saloperies et dans plein d'autres lieux, parce qu'on l'oublie de dire que l'homophobie, c'est aussi sur certains grands médias, qu'il y a du travail à faire. Et voilà, ça c'est la première chose, d'où la raison peut-être de dire, et c'était ça, qu'est-ce que c'était le sens de cette marche, de dire nous existons comme êtres humains. Et je crois que c'est bien de le rappeler, ça. Et moi, je vais passer une petite page de, comment on dit, pas de publicité, mais de musique, et après on revient, parce qu'on reviendra sur c'est quoi l'idée d'être un être humain. Portugais, pointe noire, capitale du rap en Afrique. Viens, viens, viens sur ma terre, dans ma fabrique. Que des prototypes, des MC sans protocole. Original flow avec des mots qui cognent. Punta Negra, ville de l'or noir. L'espoir vient du QG, nouvelle histoire. Yeah, les gros sont sortis du placard. Attention, Paris, au choc, au blackout. It's dead, man, it's fucking dead. On entendra les rappeurs parisiens demander de l'aide. L'originalité vient de mon terre-terre. Laisse faire et les griots font rebouger ta terre mère. Espère que le rap africain opère dans les rues de la capitale française, trop austère. Oh, notre son arrivera en costard, sans armes, juste en ensemble harmonie. Plus de guerre civile, donc on jette les pare-balles et on s'associe pour trouver la money, homie. Tu n'entends pas les percussions, notre son est une persécution, baby. Et tu deviens crazy, on t'a pas dit la vérité, tu te sens biaisé. T'as crié en Nicolas, tu t'es fait baiser. On t'a pas dit que la France avait niqué. BZPN, encore pire que le baiser d'une prostituée. Aisé en intelligence, c'est pour ça que je vous ai cramé comme du poulet braisé. Bref, j'espère que vous l'êtes greffé à la peur de plus être baisé. Lésé, laissé sur le carreau. Tenez-vous à carreau. Claro que si, ici c'est du rap, rap congolais. Salut chéri Coco, je compose le 2K2. Car dans le juge papy, tu sais qu'on légalise toutes les bonanis. Ouais les bonanis. BN, BN, je donne mon amour, mami. Black out, speak up, too money. Congolais, tu veux rap, c'est à ton tour, money. Kinshasa, ouais, on dit quoi. Votre frère est revenu dans la plaza, brasa. On va maintenant former des MC militaires. African rap, autoritaire, majoritaire. On réintègre l'art de guerre et on réitère. J'ai le flow de l'armée de l'air. Tu crois rester pépère, on est venu bouleverser le monde dans ce rap, rap, rap désert. MC de Paris, tu seras notre dessert. T'es sûr de vouloir jouer à la guerre des nerfs. Dégage du flair, on reprend les affaires. La seule chose qui reste à faire, boy, c'est de te taire. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta terre, tes repères, c'est clair, on les respecte plus. Donc on doit t'exclure de ce rap game. On n'attend pas d'excuses, regarde ton flow, j'aime. God damn it, j'ai la Congo dynamite. J'suis revenu au bled pour changer la dynamique. Yeah. This is for my worldwide Congolese. This is for my French Congolese. Yeah, my US Congolese. My Brazilian Congolese. Yeah, my worldwide Congolese. Japanese Congolese. Yeah, German Congolese. Bolivian Congolese. Worldwide Portuguese Congolese. Look upon. Vous êtes toujours dans l'émission Fond près du radiateur, 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. C'est le mardi, je ne sais plus de quel mois, du mois de juin. Et c'est diffusé de 19h à 20h30, rediffusé le vendredi de 7h à 8h30. C'est important de le savoir. Vous êtes, paraît-il, toujours aussi nombreuses et vous avez beaucoup de courage de nous écouter. Et qu'est-ce qu'on parlait, de quoi on parlait? Et bien, effectivement, autour de la Gay Pride, et c'est quoi être fier? C'est quoi et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est, on peut imaginer dans les années 60 des gens, la fierté, c'est de dire je suis un être humain, ma couleur de peau vous dérange, mais moi, derrière tous vos crachats, j'existe. Et ça commence par ça. Quand un noir découvre qu'il est noir, c'est pas parce qu'il a vu sa mère lui dire t'es un noir, mais parce que quand il sort dehors, on lui pointe du doigt tu es un noir. Quand un Algérien découvrait qu'il était un Algérien, c'est parce qu'il était aussi affiché aux Champs-Élysées, interdit aux chiens et aux Algériens. Et là, il découvrait ce qu'est l'horreur de cet environnement raciste. Et au passage, la fierté, c'est aussi la possibilité de se rassembler, de manifester, de dire « j'existe et je suis un être humain » face à tout un système juridique, tout un système social qui fait que vous êtes mis au banc. C'est ça le mot banlieue, la mise au banc, la mise au placard pour les homosexuels, la mise au banc pour certaines couches de la population ouvrière. Quand je parle, effectivement, moi, je, en tant qu'homosexuel d'origine, je ne sais pas trop quoi, algérienne, c'est de ça qu'il s'agit, d'une lutte collective, d'une lutte plurielle, collective, qui appartient pour moi au mouvement ouvrier et au mouvement social. Et il a fallu beaucoup de courage. Et la première fierté en France qui a eu lieu, en fin de compte, ce n'est pas autour des droits des homosexuels, mais j'allais dire des droits du peuple algérien, et notamment de la marche du 17 octobre 61. Car si je fais un lien avec ça, c'est parce que je fais un lien aussi avec toutes ces Rosa Parks qui ont occupé des bus et qui ont le culot de dire là, dans ce lieu-là, ce n'est plus possible de dire que les Noirs n'ont pas le droit de s'asseoir là. C'est mon droit aussi de m'asseoir. Le 17 octobre 61 a été un massacre terrible des Algériens, mais l'idée numéro un était pacifiquement, nous allons occuper pacifiquement ces rues de Paris. Et mon corps, mes costards, mon youyou, ça fait partie de l'humanité. Et si vous avez... Et si on regarde effectivement le 17 octobre 61 comme une première marche des droits civiques, elle dit beaucoup de choses sur cette volonté d'humanité et beaucoup de quelle a été la réponse policière face à ces minorités qui combattaient pour des droits, en l'occurrence le droit des peuples algériens. Vous me direz quel est le lien ? Le lien, il est évident si vous m'écoutez, qu'effectivement, quelques années plus tard, ce sont les homosexuels qui sont battus pour leurs droits, comme une continuité historique de Rosa Parks aux Algériens et aux lesbiennes. Cette histoire, elle commence en 1969, parce que la Gay Pride, c'est ça, c'est 1969, à New York, à Stonewall, dans un bar, eh bien, il y a une révolte. Pourquoi ? Parce que la police débarque. Je fais un lien avec aujourd'hui les chars de policiers. La police a toujours été un corps de répression pour toutes les minorités. C'est important de le rappeler ici, puisqu'il y a des confusions. Et c'était un corps contre les ouvriers. Et effectivement, il y a eu une émeute importante. Il y a eu des arrestations, comme ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, les homosexuels n'ont qu'un droit, au même titre qu'un Algérien. Il y avait toute une série de lois réprimant et avec à sa solde, j'allais dire, l'Église catholique. Mais face à ça, il y a eu des révoltes qui ont lieu et ces révoltes ont amené que dès les années, un an ou deux ans plus tard, il y a eu la marche qui s'appelait Christopher Street. Il y a un mec qui s'appelle Howard Brenda qui a été quelqu'un de bisexuel, qui a été très fier et qui a dit maintenant, à chaque année, nous allons fêter ce qui s'est passé, mais aussi le fait que la rue, ce n'est pas seulement les policiers, ce n'est pas que les gens soi-disant respectables, blancs, de la classe moyenne qui ont le droit d'occuper la rue. Nous avons le droit, de vivre. Nous avons le droit de ne plus avoir peur de votre regard et nous avons le droit de nous embrasser. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses de ce qui s'est passé aux États-Unis, en France, dans ce temps-là où il fallait effectivement exister. Et exister voulait dire eh bien, brandir comme un étendard son corps, sa voix. Et de tous vos crachats, nous allons faire une œuvre d'art. Et c'est un peu ça qui s'est passé par rapport à toutes ces manifestations. En France, en fin de compte, les trucs sont passés de différentes manières. D'abord, de dire que via des collectifs, notamment le FAR, Front de Libération Révolutionnaire, ils ont commencé à occuper et participer aux manifestations du 1er mai, où ils étaient dénoncés comme ne faisant pas partie de la tradition ouvrière. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y avait tout un travail à faire par rapport à cela. Chaque époque, chaque période historique, il y a eu des organisations, des associations qui ont essayé de se battre. Et effectivement, à l'époque, en France, il y a non seulement une police des mœurs et une police contre les homosexuels. Les lois, notamment, fait du fichage des homosexuels quelque chose de normal, considérant aussi que c'est une maladie, un fléau social. Donc c'est dans ce cadre-là que les associations, dont le FAR, se battent à l'époque. Et on fait, à partir des années 81, et avec ces mouvements qui luttent sur différents fronts, avec aussi ce phénomène de mai 68, arrive la dépénalisation, c'est la dépénalisation de l'homosexualité qui arrive en 1981. Et puis, c'était, paraît-il, l'arrivée de François Mitterrand, mais c'était surtout l'accumulation de luttes qui ont permis, à un moment donné, le fait qu'on ne pénalise plus les homosexuels, qu'on arrête le fichage. Maintenant, en 81, avoir un appartement quand on est homosexuel, simplement, ce n'est pas possible parce que dans le bail, il marquait « il faut être un bon parent ». Donc, il y a dans tous les strates de la société des normes écrites sur la norme, sur la bonne moralité. Et ce, malgré qu'effectivement, la loi en 81 dit qu'on ne pénalise plus les homosexuels. Donc c'est tout un combat pour une forme de reconnaissance, de joie, de déception, de solidarité. C'est important de le rappeler ici. Être solidaire, c'est aussi de dire à l'autre qui est par terre, je te tiens la main et on y va ensemble. Et c'est ce qui est en train d'arriver aussi pour le monde du travail en général et pour tout le monde en général aujourd'hui avec le programme de Macron, c'est qu'il faut le répondre par la fraternité, non pas la fraternité de la révolution à la con, mais la fraternité dans le sens de la solidarité. Car ça, c'est la base historique des luttes sociales et des luttes aussi de ces minorités. Il faut avoir, à un moment donné, le courage de dire « je suis ». Il faut avoir le courage, à un moment donné, de dire « il faut peut-être renverser, j'allais dire, la table pour pouvoir exister ». Car l'autre, quand il dit « vous n'existez pas », ça veut dire plus le droit de travailler, plus de logement, mais aussi, quelque part, une mort sociale et humaine, la mise au banc, comme on dit. Donc, on va faire encore une pause musicale, et après, on revient, parce que, voilà... E aí, mano? E aí, mano? Virar atrás? Atrás de você. Marcha, yeah. Le gouffre. This is for my French Congolese. Yeah. My US Congolese. My Brazilian Congolese. Yeah. My worldwide Congolese. Japanese Congolese. Yeah. German Congolese. Yeah. Bolivian Congolese. Worldwide. Hey yo, pointe noire, capitale du rap en Afrique. Viens sur ma terre, dans ma fabrique. Que des prototypes, des MC sans protocole. Original flow avec des mots qui cognent. Punta Negra, ville de l'or noir. L'espoir vient du QG, nouvelle histoire. Yeah, les gros sont sortis du placard. Attention Paris, au choc, au blackout. It's dead, man, it's fucking dead. On entendra les rappeurs parisiens demander de l'aide. L'originalité vient de mon terre. Laisse faire et les cris au fond au bout. manger ta terre mère. Espère que le rap africain opère dans les rues de la capitale française, trop austère. Oh, notre son arrivera en costard, sans armes, juste en ensemble Armani. Plus de guerre civile, donc on jette les pare-balles et on s'associe pour trouver la money, homie. Tu n'entends pas les percussions, notre son est une persécution, baby. Et tu deviens crazy, on t'a pas dit la vérité, tu te sens biaisé. T'as cru en Nicolas, tu t'es fait baiser. On t'a pas dit que la France avait niqué. BZPN, encore pire que le baiser d'une prostituée. Aisée en intelligence, c'est pour ça que je vous ai cramé comme du poulet braisé. Bref, j'espère que vous l'êtes greffé à la peur de plus être baisé. Lésé, laissé sur le carreau. Tenez-vous à carreau. Claro que si, ici c'est du rap, rap congolese. Salut chéri Coco, je compose le 2-4-2. Car dans le juge papy, tu sais qu'on légalise toutes les bonani, ouais les bonani. PN, PN, je donne mon amour, mami. Black up, big up, too money. Congolais, tu veux rap, c'est à ton tour, money. Kinshasa, ouais, on dit quoi. Votre frère est revenu dans la plaza, brasa. On va maintenant former des MC militaires. African rap, autoritaire, majoritaire. On réintègre l'art de guerre et on réitère. J'ai le flow de l'armée de l'air. Tu crois rester pépère, on est venu bouleverser le monde dans ce rap, rap, rap désert. MC de Paris, tu seras notre dessert. T'es sûr de vouloir jouer à la guerre des nerfs. Dégage du fer, on reprend les affaires. La seule chose qui reste à faire, boy, c'est de te taire. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta terre, tes repères, c'est clair, on les respecte plus. Donc on doit t'exclure de ce rap game. On n'attend pas d'excuses, regarde ton flow, j'aime. God damn it, j'ai la Congo dynamite. Je suis revenu au bled pour changer la dynamique. Yeah. This is for my worldwide this Congolese. This is for my French Congolese. Yeah, my US Congolese. My Brazilian Congolese. Yeah, my worldwide Congolese. Japanese Congolese. Yeah, German Congolese. Yeah, Boy Congolese. Worldwide Portuguese Congolese. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission au fond près du radiateur. Donc on parlait de la Gay Pride et plus largement de quelque chose où je retrace très rapidement quelques aspects entre guillemets historiques. Et c'est important car au fond, ces événements de manif, de mobilisation, d'accès aux droits ne tombent pas du ciel. C'est parce qu'on s'est battu. Au travers de ça, ça s'appelle le Phare, ça s'appelle Act Up, ça s'appelle le FLN, ça s'appelle les Black Panthers, etc. Il y a au moins des points communs, des aspects minoritaires, une répression policière, un statut social, politique de sous-citoyen. Et ça, c'est quelque chose d'important de l'entendre. Et un autre aspect, des organisations politiques qui, à un moment donné, invente du devenir, un visuel, des slogans, une méthode d'organisation. On le voit avec le FLN, on le voit avec le Black Panthers et on le voit aussi avec toutes ces bandes de pédales qui trouvent un visuel de joie, de plaisir, de comment on occupe la rue. Est-ce qu'on se cache ? Ben, on arrête de se cacher les filles. On y va en talons aiguilles. On leur montre ce qu'on est. On n'a plus peur. Et de toute manière, la peur ne sert à rien. Et si vous pleurez, ça ne sert à rien, de toute manière, les filles. Vous allez être massacrées. Alors, allez-y, soyez fiers. Et c'est tout l'idée du désir. Et du désir, parce qu'il faut du désir. Il ne faut pas seulement du courage, mais de la folie. Il faut être fou pour imaginer que cette société peut transformer, se transformer. Et c'est parce qu'on a de la folie, parce qu'on a de la solidarité et qu'on crée du collectif, qu'on peut peut-être imaginer être à la hauteur de ce qui se passe et peut-être à un moment donné le changer. Et c'est des slogans nouveaux qui transforment les choses où effectivement on n'attend plus du système et on n'attend plus d'une certaine gauche. Je voudrais citer un exemple de ça au niveau des gays, c'est Hervé Milk à San Francisco. C'est comment je crée des petites maisons de solidarité. Au travers de ma communauté, je vais créer de la solidarité, je vais créer de l'interdit, je vais créer du loi, je vais prendre mon mégaphone, je vais hurler, je vais dire à tous ces bandes de PD qui passent leur temps de se cacher ou de boire de l'alcool, maintenant on y va, on fait des choses, on n'a plus peur, on va occuper l'espace et c'est nous qui allons parler. Et c'est des modèles comme ça. Et Hervé Mick, par exemple, vous aviez un film qui raconte un peu ce combat à San Francisco. Et c'est de ça qu'il s'agit, et de bien comprendre que ça ne tombe pas du ciel, le droit de tel ou pas, qui est toujours à renégocier. En tout cas, dans ces années-là, c'est la question de l'espace public et des droits les plus élémentaires qui sont posés. À partir des années 80, un nom de combat va avoir lieu qu'on ne savait pas imaginer. C'était évidemment la question du VIH. Et vous avez un film qui s'appelle Philadelphia qui parle de cela, de ce que c'était, au fin de compte, le début du VIH, avec des slogans comme Ronald Reagan qui parlait du cancer gay, avec en France Jean-Marie Le Pen qui parlait de sidatorium pour mettre, placer les séropositifs dans un seul lieu pour peut-être, pourquoi pas, les gazer. En tout cas, voilà, on est vraiment dans la stigmatisation. Et au travers de ces années-là, c'est les années Act Up Paris avec le film qui vient de sortir, 120 battements par minute de Robin Campillon, qui parle de ces années où effectivement, mois après mois, année après année, il n'y a pas de traitement, il faut quand même le savoir, et les uns et les autres sont en train de mourir, c'est-à-dire nos amis, nos amants, etc. Et c'est une multitude d'associations qui vont se construire, une multitude aussi d'actions avec le triangle rose, avec un graphisme, avec des t-shirts, avec des mots d'ordre comme « silence égale mort », avec une occupation des lieux de pouvoir, avec des sifflets, avec pointer du doigt les responsables. Et il s'est passé, effectivement, pendant des années, l'idée c'était, puisque nous allons tous mourir, eh bien autant nous battre, autant que nous soyons en colère. Colère égale action et disco égale vie. Et c'était un peu ces années-là où on devait rassembler plus largement la question de la communauté, mais aussi les personnes qui étaient atteintes de problématiques d'usagers de drogue, puisque effectivement, avec les seringues, on pouvait être contaminé. Et c'était une communauté dans la communauté avec un désir de vivre et de survivre. Et pendant des années, ça a fonctionné au point où ça a permis, en tout cas, une remise en question des pouvoirs publics sur leur regard. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un moment donné où le regard, notamment sur les minorités sexuelles, a changé. Oui, on a, à un moment donné, réussi à changer ce discours d'anormaux, de malades mentales, de pointeurs, de pointage, en des gens qui avaient peut-être des droits. On est passé du non-droit à des droits, et ça a commencé par le PACS. Et à chaque moment important, en tout cas, et c'est intéressant, on pourrait le regarder sur d'autres communautés, à chaque fois que des communautés sociales organisées ont commencé à acquérir des droits, à chaque fois, il y a eu la réaction. Au moment du PACS, voilà, je remonte, il y a eu effectivement... Eh bien, déjà Christine Boutin et toutes ces manifestations monstres qui disaient « c'est la fin du monde si les homosexuels soient reconnus réellement avec un contrat ». Voilà. Et aujourd'hui, les manifestations contre le mariage ont continué à multiplier cette parole qui mélangeait à la fois des paroles homophobes mais des paroles aussi racistes. En fin de compte, derrière la lutte contre les minorités et l'accès aux droits des minorités, notamment sexuelles, c'est toute une France, une frange raciste de la société française qui a pu s'exprimer. Nous sommes fiers d'être homophobes, racistes, et notre drapeau, c'est bleu, blanc, rouge, ce bleu, blanc, rouge colonial. C'est de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de pointer une nouvelle fois l'idée que telle ou telle population sont des sous-hommes et des sous-individus. Et je trouve qu'il faut le voir comme des gens enragés, en colère, parce qu'ils avaient l'impression de perdre des choses. Et voilà, ces années, donc, SIDA, ou accès de droits des personnes élémentaires, notamment au niveau du mariage, sont terminées. Les associations comme ACT UP sont terminées dans le sens elles ont fait leur travail de reconnaissance. Et en fin de compte, les années de la reconnaissance du droit montrent au moins une faiblesse de ça. C'est le fait que nous avions, en tout cas, une grande partie de ces associations, qu'un seul visuel. Un visuel plutôt de la classe moyenne homosexuelle. Et ça pose un autre problème, c'est quand on fait partie d'une d'une minorité dans la minorité, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui se retrouver que dans un discours. On veut, en fin de compte, un grand appartement, 50 mètres carrés, et se marier, avoir 3 enfants. Car ça, ça pose la question, eh bien, des questions sociales. Quel salaire? D'où tu viens? Et donc, on a ce qui apparaît, un véritable décrochage dans ce tout homosexuel entre ceux qui sont pourraient être vus comme des grands bourgeois et ceux qui sont des prolos. Et en fin de compte, c'est là où il faut effectivement réactualiser ces choses-là et recréer du devenir et du collectif par rapport aux questions sociales, par rapport aux questions raciales que se posent aujourd'hui les homosexuels qui sont jetés à la rue quand ils sont homosexuels, eh bien les plus minoritaires de la communauté homosexuelle, c'est-à-dire des prolos, c'est-à-dire des SDF, c'est-à-dire des blacks, c'est-à-dire des rebeux. C'est ça la réalité. Et c'est là où le devenir collectif doit être repensé, refait. Et c'est là où j'arrive de dire, je salue en tout cas les personnes qui sont blacks, qui aujourd'hui se mobilisent, ces luttes qui commencent à renaître. Car au fond, la question est toujours de lutter et toujours de recréer du devenir social. Car au fond, ce qui fait qu'on fait du collectif, c'est aussi parce que le policier, parce qu'on est exclu, parce qu'on est seul face à la répression sociale, policière. Et c'est ce qui fait le sens au départ d'un collectif. Ce n'est pas parce qu'on va très bien qu'on va, voilà, je ne sais pas pourquoi, je découvre, etc. Non, c'est parce qu'on est atteint dans notre chair et parce que collectivement, ça peut être une réponse. Et on doit, voilà, et c'est le lien aussi avec aujourd'hui ce qui se passe socialement en France, c'est qu'il faut recréer du collectif, recréer du devenir. Et c'est tout l'enjeu. Car en fin de compte, qu'est-ce qui fait lien entre une personne et une autre? Historiquement, ça a été le travail. Historiquement, ça a été, en tout cas, ce lien-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail. En tout cas, le travail est remis en question. Qu'est-ce qui peut faire lien? Ce sont des associations. Ce sont des collectifs d'humains qui sont victimes de telle ou telle agression, qui peuvent et qui doivent dire « nous n'allons pas nous laisser faire ». Et c'est ça le point central. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et qu'aujourd'hui, en 2017, il faut retrouver de nouveaux slogans, retrouver du nouveau devenir, du devenir humain. Et c'est, en fin de compte, ça qu'il faut essayer de toujours essayer de tendre et réinterroger notre manière de penser, notre manière de penser. Parce que non, le « nous » ne veut rien dire. Nous, ouvriers, ne veut rien dire. Si on ne peut pas dire « je suis une sale pédale », si je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire « non ». Et si je peux pas dire, et si je peux dire « je peux dire « nous ». C'est vraiment du « nous » et du « je » tout le temps. On ne lutte pas comme ça dans les airs. C'est faux, c'est du mensonge. On lutte parce que aussi on est en prise dans le réel et que le réel vous pose des problèmes. En tout cas, c'est ma manière de fonctionner. C'est comme ça que j'ai toujours milité. C'est aussi parce que j'étais en colère. Et ce colère-là, c'est la réalité qui me renvoie quelque chose, que je suis un sale quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, je vous invite, en tout cas pour finir, à voir 120 battements par minute, de voir Hervé Milk aussi, de voir effectivement de lire peut-être James Baldwin, qui est un auteur noir homosexuel américain. Voilà, il y a des auteurs comme Edmund White, L'homme marié. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui fait trace, et c'est important d'avoir ça en tête parce que ceux qui sont en train de gagner sont en train d'éliminer notre histoire et effacer l'histoire, c'est ça, un coup de clic, il n'y a plus d'histoire. Et sur quoi on va pouvoir construire du devenir sans histoire? Cette question doit être posée. Voilà. À toi. Oui, Mouloud, ben merci pour cette deuxième partie, cette conclusion. On va passer maintenant à la fin de l'émission, il est 20h30 et on va se retrouver, c'était peut-être la dernière de la saison. Non, on va continuer, voilà, on verra. En tout cas, on vous salue tous, c'était au fond près du radiateur, on salue Yano, Raph, Mustapha, voilà, et on les salue bien haut, Robinson, Fatima, Jeanne, voilà, plein de, et tous nos auditeurs, qu'il faut toujours continuer, prenez vos micros, prenez des flashs, prenez des photos, là où vous êtes, mettez en ligne ce que vous voyez aussi, car c'est le premier pouvoir, c'est ne plus être observé, mais observer les gens et observer ceux qui vous, vous répriment. Hein, le pouvoir, ça commence par un flash et le mettre sur Facebook, parce que c'est le point central. Vous êtes aussi créateur d'images et d'informations. C'est ça l'idée aussi de notre émission. Voilà, on vous remercie bien fort et à très bientôt. Merci à tous, et justement n'hésitez pas à envoyer sur le Facebook au fond près du radiateur tout ce que vous voulez, des petits commentaires. On va mettre le podcast de l'émission sur justement le Facebook au fond près du radiateur. Voilà, excellente soirée à tous, on se retrouve à la rentrée tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Allez, bonne soirée. Ciao. Quelques fois qu'avait des platines Mike, la palme d'or de la face B, je crois que c'était Nasis Like. Première mixte PX Assassin. Je me rappelle sport de sang comme imposé. Il y avait 45 têtes autour de la cabine. Regard vif, mais il y avait 16 pets de base. Parce qu'on pratiquait le même art, on marche des masques. On avait choisi les mêmes espèces d'armes. C'était la passion pour la passion. Pas de pif, pas de net, buzz clip, pas de fan et pas de page artiste. Mais rien à battre, on vivait sans ça. Limite au tout départ pour moi, quand quelqu'un me disait frère, j'adhère, c'était impensable. La plupart des acteurs de cette époque ont sauté le pas de la zig, le taf, la fuite, le cash, la mif, le côté aléa de la vie. Et moi je suis là, j'écris ces mots vides. Des fois j'ai l'impression de jouer à vie, ma vie d'un fossile. Je sais que ce sera bientôt mon tour de m'éclipser, mais j'ai si peur de l'après, peur de me dire que j'aurais bien mieux fait de résister. Je veux pas briller grand smouvre. À l'heure où je parle, ma carrière a déjà un pied dans le gouffre. Avant que je parte et que je ne classe l'affaire, il faut d'abord que j'apprenne à défoncer les portes du futur avec une marche arrière. Je répète, je veux pas briller grand smouvre. J'ai qu'à ce stade, ma carrière a déjà un pied dans le gouffre. Avant que les vieux ne se cassent et ne classe l'affaire, ils vont d'abord t'apprendre à défoncer les portes du futur avec une marche arrière. Revolutionaries, you know?